à tous et une nouvelle fois merci de votre participation. Alors avant de donner la parole à chacun de nos intervenants, je souhaiterais revenir un instant sur les raisons qui conduisent aujourd'hui le laboratoire Cresson à organiser un séminaire sur un acte, je vois chez toi vient de vous dire, aussi banal, aussi anodin que la marche en ville. La première de ces raisons est que la thématique de la marche en ville constitue un axe fondateur des problématiques de recherche menées au Cresson depuis 1979. À cette date, Jean-François Audoyard, fondateur du laboratoire, publie aux éditions du Seuil, pas à pas, essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain. Dans cet ouvrage, dont Yves Vainquin nous proposera une relecture cet après-midi, Jean-François Audoyard s'interroge sur le décalage persistant entre d'une part la production urbaine des années 70, ses principes, les représentations sur lesquelles elle s'appuie, et d'autre part la logique habitante, les désirs qui animent le citadin d'alors, son vécu quotidien de la ville, et notamment le malaise qu'il exprime face à une planification urbaine massive et largement orientée autour d'impératifs économiques. Or, c'est précisément en s'intéressant aux pratiques quotidiennes de déplacement des habitants du quartier de l'Arlequin, ici, à Grenoble, à côté de cette école d'architecture, que Jean-François Audoyard analyse ce hiatus entre politique publique et attente usagère. Selon lui, la marche exprimerait un certain code d'appropriation de l'espace, fondé à la fois sur une dénonciation de la logique répétitive du conçu et sur une pratique quotidienne de reconfiguration de l'environnement. Autrement dit, la marche constituerait la ville en même temps qu'elle la déréalise, ce processus de déréalisation s'appuyant autant sur un détournement des qualités aménagées de la ville que sur une appropriation quotidienne de l'environnement sensible, des ambiances architecturales et urbaines. Schématiquement, après environ une vingtaine d'années où la thématique occupe le second plan des travaux de recherche du Cresson, la marche réapparaît dans le milieu des années 90 comme un domaine d'investigation majeur. Elle nourrit d'abord une réflexion fondamentale sur les modes d'investigation empirique des ambiances architecturales et urbaines. La méthode des parcours commentés, initiée par Jean-Paul Thibault, et celle des itinéraires, créée par Jean-Yves Petitot et Elisabeth Pasquier, se fondent toutes les deux sur une mise en récit de parcours urbains. Une des hypothèses de ces démarches empiriques est la suivante: la description que font les citadins de leur environnement quotidien lorsqu'ils le parcourent à pied est un moyen de comprendre, d'une part, les compétences pratiques que requiert un déplacement en ville, mais aussi la manière dont les sens, la perception du citadin sont sollicités lors d'un parcours. D'autre part, c'est un moyen de comprendre également les ressources construites, aménagées, mais aussi sonores, visuelles, tactiles, sur lesquelles le piéton s'appuie pour mener son trajet à bien. Deux résultats dont le milieu de la conception pourrait tirer parti, nous semble-t-il, pour proposer des solutions d'aménagement novatrices. Le début des années 2000 voit enfin un renouveau de la thématique de la marche au Cresson. Deux directions de recherche peuvent être distinguées. La première, directement liée aux réflexions de l'équipe sur la question de la perception ordinaire en milieu urbain, questionne le rôle du mouvement et celui du corps dans les processus de constitution de l'espace public urbain et des ambiances architecturales et urbaines. Dans ce cadre de réflexion, la marche en ville revêt donc un statut instrumental. Elle permet de s'interroger aussi bien sur la question de l'importance de l'habitude dans la perception des ambiances urbaines que par exemple sur la mise à l'épreuve de l'espace construit par le mouvement des passants. Les titres que vous voyez affichés derrière moi sur la diapositive sont des titres de travaux de recherche menés au Cresson, principalement de thèse, et vous pouvez effectuer un certain nombre de recherches bibliographiques sur ces documents-là, sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. La seconde direction de recherche traite la question de la marche en ville de manière plus directe et plus transversale aux thématiques de recherche du laboratoire. Elle est aussi beaucoup plus récente. On retrouve là des travaux qui interrogent directement les pratiques mêmes de la marche à pied en ville, leurs conditions de possibilité environnementale et les enjeux de conception qu'une telle pratique de la ville met à jour. Et il s'agit là de la seconde raison qui pousse le Cresson aujourd'hui à organiser ce débat sur la marche en ville, puisque cette pratique, en effet, constitue à la fois un enjeu environnemental et un enjeu majeur, je pense, de planification urbaine. Vous l'avez sans doute tous constaté, l'intérêt porté au mode de transport dit doux, et notamment à la marche à pied, croît depuis une petite dizaine d'années en France et en Europe également. Après la suprématie du tout voiture, un certain nombre de municipalités, dont la municipalité de Grenoble, mais aussi celle de Paris ou de Copenhague, nous dirons par exemple messieurs Mélénis et Charbonneau, font le pari des transports urbains collectifs, du vélo et de la marche à pied. Ce pari répond aujourd'hui à une préoccupation environnementale majeure, celle de la congestion urbaine et de ses effets nocifs sur la qualité de vie en ville, sur l'air que nous respirons, n'est toutefois pas sans conséquence sur l'aménagement ou le réaménagement des villes. Outre la refonte de nombreux centres-villes piétons, assiste-t-on à la mise en place de voies de déplacement spécialisées qui repose sur une logique de séparation des flux. On le voit très bien sur la photo que je vous présente à gauche de l'écran et qui présente l'aménagement de l'espace autour de la troisième ligne de tramway à Cessin, où l'on trouve de façon très distincte la voie réservée à la circulation du tramway, à droite de l'écran, au centre, la voie réservée à la circulation routière, celle-ci pouvant se faire à double sens, puis successivement la voie cyclable qui occupe une partie du trottoir et en marge la voie piétonne située à l'extrémité gauche et qui occupe l'autre moitié du trottoir. Il s'agit d'une série d'aménagements qu'on peut décliner comme ça dans un certain nombre de villes françaises et de villes européennes. Autre leitmotiv de l'aménagement d'aujourd'hui, ce que j'appellerais une forme d'aseptisation des espaces publics urbains qui consiste à les aplanir, à engommer les obstacles ou les dispositifs saillants, à uniformiser le mobilier urbain et les revêtements de sol. Or, on peut se demander, et j'espère que c'est une question qui sera débattue aujourd'hui, sur quelle idéologie ou connaissance concrète des pratiques de la marche en ville, au nom de quels principes les décideurs favorisent-ils de tels choix d'aménagement urbain? Autre question que nous aborderons probablement aujourd'hui également, comment concilier les préoccupations environnementales que nous évoquions il y a un instant et les nouvelles manières de pratiquer la ville à pied? Je pense à la problématique de l'accessibilité, dont on sait aujourd'hui qu'elle profite autant aux passants, entre guillemets, ordinaires, qu'aux piétons handicapés. Je pense également à la prégnance de l'intermodalité dans les pratiques de mobilité en ville et au fait que le piéton peut être à la fois, dans la même journée, un automobiliste ou un usager du tramway ou du transport collectif. Enfin, et il s'agit là du troisième argument en faveur de ce séminaire, la marche constitue un vecteur du lien social, un opérateur de l'urbanité, et peut-être est-ce une des raisons de son renouveau, ou en tout cas de l'intérêt que lui portent aujourd'hui des champs disciplinaires aussi différents que l'économie des transports, l'urbanisme, la géographie, la sociologie, où nous verrons encore les arts, hein, puisque la marche, contrairement à ce que nous enseigne la physiologie, n'est pas seulement cette activité motrice qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en mettant successivement un pied devant l'autre. Elle est aussi un acte social, nous dira Olivier Comte cet après-midi à travers son film, une pratique qui, au-delà de son apparente banalité, permet à des citadins anonymes d'entrer en contact les uns avec les autres, de tisser des liens entre eux, de construire conjointement une forme d'urbanité et un nouveau rapport au territoire. Donc la volonté de ce séminaire est donc bien d'aborder les diverses facettes de cette pratique ordinaire et d'en comprendre surtout la complexité en faisant se croiser à la fois le regard du chercheur, celui du concepteur ou de l'urbaniste, celui de l'usager et celui de l'artiste. Alors pour rappel, outre la journée d'aujourd'hui qui va se focaliser essentiellement sur la question des espaces de la marche en ville, deux autres journées sont prévues, celle du mardi 13 novembre 2007, vous avez le programme sur les tables, qui abordera de manière plus approfondie la question de la dimension corporelle et sensible de la marche en ville. Nous recevrons à cette occasion des architectes, des historiens, mais aussi des chorégraphes qui tenteront de répondre à quelques-unes des interrogations suivantes. Qu'est-ce que la ville fait au piéton lorsqu'il marche ? Est-ce qu'elle a une emprise sur le piéton ? Comment cette forme d'emprise se manifeste-t-elle sur les pratiques ordinaires de déambulation ? Troisième séance qui sera la séance de clôture de ce séminaire qui aura lieu le mardi 15 janvier 2008 et qui sera, elle, davantage orientée autour de questionnements méthodologiques sur la manière d'appréhender in situ cet objet de recherche émergent qu'est la marche en ville. Je laisse donc maintenant la parole à nos intervenants de la journée, Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, qui est dans la salle, urbaniste, consultant en politiques urbaines et culturelles auprès de nombreuses municipalités. Monsieur Olivier Comte, également dans la salle, cinéaste, auteur et réalisateur. Monsieur Yves Vinquin, professeur d'anthropologie de la communication à l'École normale supérieure de Lyon. Et enfin, Monsieur Steven Mélénis, à ma gauche, architecte, urbaniste, maître assistant ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Steven, s'il vous plaît.